الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله عباد الله أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة بصلاح القلوب وانشراحها وزوال همومها وغمومها وأطراحها فألزموا طاعة الله عز وجل فألزموا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تدركوا هذا المطلوب واذكروا الله سبحانه وتعالى كثيرا قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب إخواني في الله في هذه الأيام نذكر إخواننا وخاصة الشباب بالتمسك بالدين وألا يكونوا إمعة يفعلون لأن الناس فعلوا أو يرقصون لأن الناس رقصوا أو يشربون لأن الناس شربوا وإذا هلكوا كانوا معهم من الهالكين فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية يا شباب الإسلام يا شباب الإسلام اعلموا أن السعادة في الحياة الدنيا يكون في طاعة الله يكون في طاعة الله واستعدوا للرحيل فما يدريك لعل موتك يكون قريبا Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah et sachez que le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà s'obtient par la pureté du cœur et son apaisement comme son soulagement de toute angoisse et désespoir. Mes chers frères et sœurs, accrochez-vous à la religion monothéiste de votre Seigneur et à la sunna limpide de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, mes chers frères et sœurs, vous récolterez la paix intérieure du cœur et de l'esprit. Rappelez-vous sans cesse Allah, car c'est dans le rappel continu que les cœurs s'apaisent et se tranquillisent. En cette période, mes chers frères et sœurs, en cette période de fin d'année, je vous conseille à tous, et en particulier aux jeunes d'entre nous, de saisir fermement les piliers de cette religion, ainsi que ses principes et ses valeurs. Je vous conseille de ne pas être tels des marionnettes ou des potiches, tels des personnes influençables et sans volonté ni résolution, mes chers frères et sœurs, comme ces musulmans qui disent, nous on fait comme tout le monde, si les gens dansent, eh bien nous on danse avec eux, et s'ils boivent, eh bien nous on boit avec eux, et s'ils chantent, eh bien nous on chante avec eux, sans se poser un instant la question, si ce que je fais est un bien pour ma vie, et après ma mort, si ce que je fais est un bien pour ma vie, et après ma mort, ne fais donc pas partie des égarés, mon cher frère, ma chère sœur, alors que ton Seigneur t'a donné une raison pour réfléchir, et réfléchissez avant d'agir. Vous, mes chers frères et sœurs jeunes, profitez de votre jeunesse en vous éduquant à être meilleurs dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Qui te dit que tu vivras demain? Pense-y bien, bi-idhnillah. فَإِذَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بِالْمَعْصِيَةِ فاذكر أن المعصية سبب كل هم فالمعصية تحرم الرزق وتمنع التوفيق وتذهب بالنعمة وتخرب الديار العامرة فكن أحلت من محنة ونقمة فلها سواد في الوجوه وظلمة في القبور ولها وهن في البدن وبغضة في قلوب الخلق يا من هممت بالمعصية اذكر يوما تودع فيه في القبر وحدك ويرجع القوم ويبقى لك عملك فأي عمل تريد أن يبقى معك تذكر يوما تقف فيه بين يدي الله عز وجل الخلائق من ورائك والميزان نظر عينيك والجبار سبحانه أمامك والنار عن يمينك وشمالك فأي عمل تريد أن يذكر لك ويوضع في الميزان وتذكر المر على الصراط وسبق الصالحين وتساقط الخاسرين فأي عمل حينها تود أنك قدمت. Chers frères et sœurs, si ton âme t'invite à pécher et à désobéir à ton Seigneur, dis-toi et rappelle-toi que les péchés sont la cause de toute affliction et de chaque malheur dans ta vie. Les péchés privent de tout bien, privent de toute réussite dans cette vie et dans l'au-delà, et font disparaître aussi les bienfaits que tu possédais avant de désobéir. Les péchés, mes chers frères et sœurs, les péchés anéantissent les foyers et provoquent beaucoup de disputes et de conflits. Rappelle-toi, mon cher frère, ma chère sœur, que les péchés noircissent ton visage et obscurcissent ta tombe à ta mort et affaiblissent ta santé et te font détester des gens. Si tu es tenté par un péché, rappelle-toi donc du jour où on t'enterrera seul dans un trou sous terre. Et les gens venus assister à ton enterrement te laisseront et toi tu n'auras plus que tes actions à présenter. Dis-toi aujourd'hui, quelle action voudrais-tu trouver à ce moment crucial et fatidique? Rappelle-toi, mon cher frère, ma chère sœur, le jour où tu comparaîtras devant ton Seigneur, le juge suprême, toi seul debout, l'humanité derrière toi et la balance de tes actions devant toi. Rappelle-toi, oui, ce jour-là arrivera et tu verras l'enfer de toutes parts prêt à t'accueillir. Quelle action voudrais-tu voir poser ce jour-là sur ta balance à ce moment crucial et fatidique? Rappelle-toi, jeune musulman, que tu devras franchir un pont qui surplombe le feu de l'enfer et qui sera franchi par les vertueux et manqué par les perdants. Rappelle-toi de cela, mon cher frère, ma chère sœur, et de quel groupe voudras-tu faire partie ce jour-là? Pense à tout cela avant de commettre l'irréparable qui à tes yeux peut être insignifiant, mais qui est grave auprès de ton Créateur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني في الله، وبعد هذا أيها الكرام، الدنيا سريعة الزوال ولذائذها منقطعة ونعيم الجنة باق، فلا تؤثرن لذة الدنيا تزول على جنة فيها النعيم الذي لا تدركه العقول. واعلم أخي في الله وأختي في الله، اعلم أن من أشرف الصبر صبرك عن المعصية والمجاهدة حتى لا تقع وتزل. والدنيا ليال وأيام ولحظات وأنفاس معدودات، ثم يرحل المرء ويقال مات، وحين يلقى المرء ربه يحمد العقبى إن لم يكن ممن أسرف وعصى. اللهم صبرنا عن المعاصي واحفظنا من الشرور والذنوب. Mes chers frères et sœurs, et les jeunes d'entre vous, sachez que la vie passe vite et que ses jouissances ne durent pas. Sachez que les jouissances du paradis perdurent et sont continues. Alors ne privilégiez donc pas une jouissance éphémère de cette vie pour une jouissance ininterrompue et éternelle du paradis. Sachez, mes chers frères et sœurs, sachez aussi que la plus belle des patiences est celle de contrôler son âme à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah reconnaîtra tes efforts et te le rendra en bien. La vie n'est qu'un court moment à passer, et bientôt, bi'idhnillah, et bientôt on dira de toi aux gens, cette personne vient de mourir. À toi dès maintenant donc de choisir le cours de ta vie pour préparer ta vie future et éternelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de lui obéir et de lui consacrer sa vie. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا واسعا ورزقا طيبا متقبلا وعملا صالحا متقبلا وعافية في البدن وبركة في العمر والذرية. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأحسن عاقبتها في الأمور كلها. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا وأمتنا يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.